Bienvenue, madame, monsieur, à l'écoute de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Insécurité ce vendredi soir à Vougizo, en zone Gatumba de la province de Bujumbura. 20 personnes ont été tuées la nuit de ce vendredi. En début de cette édition, vous aurez la réaction du gouvernement burundais. La conférence des évêques catholiques du Burundi sera en communiqué sur les récents commentaires quant à la bénédiction des homosexuels. Vous l'entendrez également dans cette édition. Lecture différente des parlementaires quant au budget des croisades de prière de la famille présidentielle en fin d'année vis-à-vis d'autres contributions de la population. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kougiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page insécurité pour débuter cette édition. 20 personnes issues de 9 familles de la colline Vougizo en zone Gatumba de la province de Bujumbura ont été tuées dans une attaque menée par des personnes non encore identifiées au cours de la nuit de ce vendredi. Dans un communiqué, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais indique que parmi ces victimes se trouvent un policier et 12 enfants. Le gouvernement, qui prend en charge actuellement les soins des blessés, présente ses condoléances aux familles éprouvées. Suivez plutôt Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. En date du 22 décembre 2023, vers 20h40, 9 ménages ont été la cible d'une attaque meurtrière dans le secteur de Vougizo, situé tout près de la frontière de la République du Burundi avec la République démocratique du Congo, en zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Dans cette attaque lâche, 20 personnes ont été sauvagement assassinées, à savoir 12 enfants, parmi lesquels 5 d'au moins de 5 ans, 3 femmes dont 2 enceintes, 5 hommes adultes, dont un policier parmi ceux qui intervenaient pour secourir les civils. 9 personnes blessées dans cette barbarie sans nom ont été évacuées pour des soins dans des structures sanitaires. Leur état de santé n'est pas très alarmant. Les membres du gouvernement se sont vite dépêchés sur le lieu du drame pour constater cette horreur et réconforter la population. Les enquêtes sont déjà en cours pour identifier les terroristes et les traduire en justice. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte terroriste, ignoble et barbare, dirigé contre des populations civiles et innocentes, majoritairement des enfants et des femmes. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs au cours de cet acte terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées dont il assure déjà la prise en charge des soins. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance, surtout pendant cette période des fêtes de fin d'année, afin de prévenir et de déjouer de tels actes terroristes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Je venais de vous le dire, la conférence des évêques catholiques du Burundi vient de sortir un communiqué sur les récents commentaires quant à la bénédiction des homosexuels. Suivez. Nous, vos pasteurs, nous voudrions vous tranquilliser et vous donner un éclaircissement. En effet, la déclaration Fiducia Supplicans du Dicaster pour la doctrine de la foi vise à donner une réponse à la question de savoir si les prêtres peuvent bénir ou pas les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, comme on le fait pour les couples unis dans le sacrement de mariage. Mais la même déclaration, en ce numéro 4, rappelle la réponse que le pape François avait donnée en date du 4 octobre 2023 aux doutes soulevés par 5 cardinaux et parmi lesquels figure justement la question de savoir si ces personnes peuvent recevoir la bénédiction. Le pape a donné la réponse suivante. L'Église a une conception très claire du mariage, une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. C'est pourquoi l'Église évite toute forme de rite ou de sacramental qui pourrait contredire cette conviction et donner à entendre que l'on reconnaît comme mariage ce qui n'en est pas un. D'après cette réponse du pape, qui reprend l'enseignement de la tradition de l'Église catholique sur le mariage et sur laquelle revient cette déclaration « Fiducia supplicans », vous comprenez qu'il n'est pas admissible de bénir les couples de même sexe comme s'ils étaient mariés. Il en est de même pour les couples en situation irrégulière. Et d'ailleurs, l'homosexualité est non seulement un péché, mais aussi une abomination, comme vous pouvez le lire dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 32, ou dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Elle est aussi contraire aux valeurs culturelles de notre société burundaise. De fait, Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Cependant, son amour et sa miséricorde ne sont jamais en contradiction avec la vérité. Il cherche toujours à relever l'homme pour qu'il se convertisse et renonce au mal, comme vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 32, ou dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 8, verset 11. Aucun prêtre ne peut bénir les pécheurs publics qui ne manifestent aucun geste de repentir pour renoncer à leur péché. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 18h06 dans le studio de la radio Isanganiro. Poursuivons cette édition lecture différente des parlementaires quant au budget des croisades de prière de la famille présidentielle en fin d'année vis-à-vis d'autres contributions de la population. Ces élus du peuple s'exprimaient mercredi de cette semaine alors que le ministre des Finances donnait des éclaircissements sur la révision du budget de l'été exercice 2023-2024. Le point avec Francine Dehokugai. Pour certains députés, le budget de 300 millions de francs burundais alloué à la croisade de prière organisée à la fin de chaque année devrait lui aussi être revu à la baisse. D'autres s'inquiètent de la collecte de fonds qui se fait en guise de contribution à cette activité. Référence faite à la province de Changuzo qui abritera ses activités cette année. Le député Guikeke Pascal estime que le budget prévu est en fait suffisant pour ne pas en solliciter d'autres. Je conçois bien que si au niveau des prévisions, à la présidence se trouve une ligne budgétaire qui mentionne un montant de 300 millions relatifs à l'organisation de ces croisades et qu'un gouverneur exige aux fonctionnaires de contribuer pour le même motif, que celui-ci s'est ingéré dans les affaires du ministère des Finances. Même si ce gouverneur n'est pas sous sa responsabilité, je demanderai au ministre des Finances d'entrer en contact avec celui de l'Intérieur pour lui montrer l'erreur commise par le gouverneur de Changuzo. Le député Bigirimana Salvatore, natif de Changuzo, n'est pas du même avis. Pour lui, depuis longtemps, les Burundais se préparent pour bien accueillir les invités. C'est normal, même dans nos familles, si on se prépare pour un visiteur, on s'organise ainsi. Dans notre jargon, on parle d'une organisation à la locale, que personne ne cautionne ce que nous faisons chez nous. Pour nous, la personne à suspecter, c'est ce natif de la province Changuzo qui a participé dans une réunion d'organisation après avoir accepté sa contribution et allé sur les ondes pour se lamenter. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sabine Nakirutimana, trouve, elle aussi, que les cotisations pour bien préparer la fête ne devraient pas poser problème. Qu'on n'aille pas trop loin. Je pense que le ministre de l'Intérieur a très bien entendu vos inquiétudes. Mais, comme vous le savez, l'organisation de ces croisades exige beaucoup de moyens car ils reçoivent plus de participants. Je me dis qu'au niveau des provinces ou communes, qu'il n'y a pas de problème s'ils s'organisent volontairement, qu'on ne perde pas le temps Le problème serait l'usage de la force pour collecter ces contributions. Le ministre des Finances, Audace Nyanzima, ne donne pas plus de détails. La croisade est budgétisée comme d'autres activités du pays, un pays qui a mis en avant Dieu, a-t-il expliqué. Francine Ndihokubwayo, les sénateurs réclament l'exonération du gaz et accessoires pour faire face à la hausse du prix du charbon dans la ville de Bujumbura, hausse des prix liés à la pénurie du charbon. Ceci émane du fait que les camions qui transportaient le charbon de l'intérieur du pays vers la capitale économique Bujumbura ne le font pas faute de mazout. Et c'est au moment où aujourd'hui en province de Gitega, aucune station-service n'a du carburant, de mazout ou d'essence. Des détails de Gérard Nugira. Lors de la séance des questions orales des sénateurs au ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Marie-Chantal Nijimbele, et au ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage d'Oduko Prosper, qui a eu lieu mercredi de cette semaine qui touche à sa fin, les honorables sénateurs ont approuvé l'intervention de l'honorable Jacqueline Nzigamié, qui a demandé au ministre ayant le commerce dans ses attributions d'autoriser l'exonération du gaz et accessoires afin que la population remplace l'utilisation du charbon par l'utilisation du gaz dans la préparation de la nourriture. Les raisons avancées par honorable Jacqueline étant la pénurie répétitive du carburant, ce qui fait que les camions qui transportent le charbon de bois de l'intérieur du pays à la capitale économique Bujumbura ne le font pas, faute de carburant de type mazout. Consécutivement, de longues files de gens à la quête de ce charbon s'observent devant le lieu de vente de son combustible qui, malheureusement, des fois se termine sans que tout le monde ait été servi, a-t-elle ajouté. Et comme réponse, la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Marie-Chantal Nijimbele, a promis qu'elle a bien pris note de cette requête de l'honorable Jacqueline de trouver une solution alternative aboutissant au remplacement du charbon de bois par le gaz et d'autres sources d'énergie possibles en pratiquant l'exonération. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Restons au Sénat du Burundi pour parler des infrastructures de l'Université du Burundi. Eh bien, le budget général de l'État devrait prévoir des fonds destinés à entretenir ces infrastructures. Le ministre en charge des infrastructures l'a soulevé lors des questions orales au Sénat mercredi et les sénateurs lui demandaient pourquoi certains immeubles de cette institution sont dans un état critique. Le ministre Dieudonné Dukunda indique tout comme le ministre de l'Éducation que cette situation se présente depuis que la régie des œuvres universitaires a été considérée comme tout autre service de l'Université du Burundi. Suivez le ministre des Infrastructures Dieudonné Dukunda, traduit en français par Alain Désiré Bukenez. Inyubakwa zo mwishure kaminuza y'u Burundi ahari inyubakwa zimeze nabi cyane cyane kuvaho rije. Les infrastructures de l'Université du Burundi sont en mauvais état, surtout depuis que la régie des œuvres universitaires a été prise comme d'autres services de l'université. Mon confrère l'a aussi indiqué, son excellence monsieur le ministre. Le ministère a exécuté ces derniers jours certains travaux au sein de cette institution. Au campus Kamenge, 6 salles de classe ont été réhabilitées. Nous avons aménagé la place de devant l'amphithéâtre et bien d'autres travaux que nous projetons d'exécuter. Mais les infrastructures de l'Université du Burundi datent de longtemps. Ils ont à cette époque emporté beaucoup de fonds. Nous pensons que les prochains budgets de l'État devraient prendre en compte les fonds destinés à l'entretien de ces immeubles. D'ailleurs, puisque le ministère de l'Éducation projette des réformes en ce qui est des hommes universitaires, avec possibilité d'associer d'autres partenaires, il s'impose d'élaborer un programme qui comprend également l'entretien des infrastructures. Parlons coopération à présent. Le gouvernement burundais est disposé à respecter les clauses de la récente convention spécifique due entre le Royaume de Belgique et le Burundi portant sur un financement de 75 millions d'euros sur 5 ans. Une assurance du ministre des Affaires étrangères et de la coopération mercredi lors de la signature de cette convention. Albert Shingiro fait savoir qu'en plus des provinces Chibitoke et Kirundo, qui sont des zones d'intervention de ce projet, d'autres provinces pourront être touchées avec d'autres partenaires. Suivez-le dans cette traduction française de Placide Nyomungere. Avec ce genre de projet, nous avons des provinces pilotes parce que dans certains secteurs, ces provinces sont restées en arrière. Cela ne veut pas dire qu'on a oublié le reste. Des provinces seront appuyées parce que ce projet n'est pas le dernier. Cela faisait 10 ans qu'il n'y avait pas de projet significatif entre le Burundi et le Royaume de Belgique. C'est un projet qui vient après le dégel des sanctions par l'Union européenne et les relations sont actuellement bonnes. D'autres projets sont en cours. Et d'autres pays de l'Union européenne se préparent pour appuyer le Burundi dans divers projets de développement. En ce qui concerne une probable annulation de ce financement, des fois nous en sommes la cause, quand ce n'est pas bien préparé ou bien si cela n'a pas suivi le calendrier. Ça peut causer des problèmes, mais nous pensons que différents ministères et techniciens vont s'y mettre, puis tout faire pour que ce financement ne tombe en annulation. Je rassure les Burundais, les clauses seront respectées. Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération. Pour clore cette édition des acheteurs et vendeurs au marché du chef-lieu de la province Makamba, dans l'impasse à la veille des fêtes de fin d'année, parle de la hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres articles, passés du simple au double, voire plus par rapport à 2 années antérieures. Selon cette population, l'augmentation des impôts et taxes ainsi que la pénurie du carburant sont à l'origine et demandent au gouvernement burundais de trouver solution à ces problèmes. Le point avec Élisée Kwizera. Ces clients et commerçants rencontrés au marché du chef-lieu de la province Makamba le soir de ce vendredi disent que les préparatifs des fêtes de fin d'année, de Noël et celles du Nouvel An ne se déroulent pas normalement. Selon les clients, les prix de certains de leurs besoins comme les denrées alimentaires sont montés passant du simple au double, voire plus, malgré la pauvreté. 1 kilo de haricots coûte en ce moment entre 2800 francs et 3500 francs burundais et le riz entre 3400 et 4500 francs burundais, alors que le même kilo de haricots pouvait se vendre à 1200 et le riz à 1700 francs burundais il y a 2 ans. De leur côté, les commerçants se lamentent qu'ils ne trouvent pas assez de clients pendant ces jours des préparatifs de ces fêtes, comme il était le cas dans l'OTAN. Un de ces commerçants nous a révélé qu'il peut même gagner au plus 20 000 francs par jour. Ses clients et commerçants disent que l'augmentation des impôts et taxes ainsi que la pénurie du carburant qui s'observent souvent, sont à l'origine de cette hausse des prix. Ils demandent au gouvernement burundais de trouver solution à ces problèmes. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. À 18h20 dans le studio de la Radio Isanganiro. Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang. Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Une situation économique inédite alerte le journal Iwachu, qui rappelle que dans le Conseil des ministres du 13 décembre 2023, le gouvernement a adopté le projet de loi portant révision du budget de l'État 2023-2024. La raison principale en est l'intégration de l'impact de la mesure de dépréciation de la monnaie nationale, qui n'avait pas été prise en compte dans le budget initial en cours d'exécution, explique son confrère. Les économistes approchés par ce journal s'accordent à dire que la décision était prévisible. Toutefois, nuance-t-il, ils estiment que les recommandations émises n'ont pas fait objet d'une étude minutieuse. Pour certains, c'est même un signe d'une panique palpable au sommet de l'État, et l'éditorialiste de cet hebdomadaire de se demander si le Burundi peut s'en sortir. La pénurie d'eau potable devient à son tour une réalité dans la ville de Bujumbura, rapporte Net Press. Que l'on soit dans la commune urbaine de Mouha, de Mukaza ou de Nahangwa, l'accès à l'eau potable devient un exercice des plus difficiles. Dans certains milieux comme Charama, de la zone de Kinama au nord, les populations éprouvent beaucoup de difficultés à avoir de l'eau potable, car celle qui est amenée sur des vélos coûte très cher et les propriétaires de ces engins fixent leur prix à volonté, à prendre ou à laisser, précise son confrère. La régie de distribution de l'eau et de l'électricité, régie des eaux, a indiqué à son quotidien en ligne qu'elle connaît ce problème. Selon les autorités de cette entreprise étatique, cela a été dû au manque de courant électrique pour pousser les machines à monter l'eau jusqu'à parvenir aux populations. Elle ne donne pas cependant une promesse claire à propos de la solution définitive de ce problème, regrette Net Press. Revue de la presse. Tchankouzo, quand l'huile de tournesol monte en puissance, révèle le Burundi Eco. C'est l'entreprise Oracle Company qui produit cette huile de tournesol utilisée dans la cuisson des aliments, dit Oracle Oil, au chef-lieu de la province Tchankouzo, précise son confrère. Cette initiative a été mise en œuvre par un jeune entrepreneur dénommé Justin Kwizerimana. C'est en 2022 qu'il a proposé son projet au programme d'autonomisation économique et d'employabilité des jeunes, PAEJ, qu'il a apprécié et financé à hauteur de 64 millions de francs burundais. Et les activités ont démarré en 2023, poursuit Burundi Eco. Ce jeune entrepreneur trouve généralement la matière première dans la commune Mishiha de la province Tchankouzo. Là-bas, écrit toujours son confrère, les producteurs de tournesol peuvent avoir même un surplus à vendre en Tanzanie. Aujourd'hui, l'huile de tournesol de l'entreprise Oracle Company est vendue généralement dans la ville de Bujumbura, surtout dans les alimentations. Un litre d'huile de tournesol coûte 10 000 francs burundais et 5 litres du même produit valent 45 000 francs burundais. Paradoxalement, souligne cet hebdomadaire socio-économique, à Tchankouzo, l'huile de tournesol n'est pas très connue. Le secteur public-privé, appelé à vendre l'image du Burundi, note l'agence burundaise de presse, qui rapporte les propos de Denis Nshimirimana, secrétaire général de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB, lors de la clôture de l'atelier de réflexion sur les réformes et stratégies de développement du secteur touristique, organisé mardi le 19 décembre 2023 par l'agence de développement du Burundi, ADB. Selon l'ABP, il a insisté sur le lac Tanganyika qui est la principale source d'attraction touristique du Burundi, ayant un littoral qui fait 160 km depuis Gatumba jusqu'à Kabonga, commune Nyanza-Lac de la province Makamba, avec un potentiel énorme. Il a ainsi relevé un certain nombre de priorités, notamment une loi qui régit le tourisme au Burundi, un partenariat public-privé et l'aménagement des sites touristiques. Le secrétaire général de la CFCIB a en outre révélé qu'avec le 1er janvier 2024, le Kenya ne demandera plus de visa d'entrée à tous les Africains, de même que le Rwanda. Il faut que le Burundi leur emboîte le pas pour attirer les touristes, suggère-t-il toujours dans les colonnes de ce quotidien. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur les ondes de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.